mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. C'est le 29 mai. Quel bon jour de printemps! Il est 10h30 et Robert explore les petites rues du quartier latin. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Elle le laisse tomber. Oh! Oh, saloperie de sac! Attendez, madame, je vais vous aider. C'est pas grave. Ah, voilà. Vous avez fait écouter. Par là. Je vais vous accompagner. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. De rien, madame, je vous en prie. Il est 10h30. 10h30. Il est 10h30. Robert explore les petites rues du quartier latin. Robert explore les petites rues du quartier latin. Que fait Robert à 10h30 du matin, ce beau jour de printemps? Il explore les petites rues du quartier latin. Il rencontre une vieille femme. Une vieille femme. Il rencontre une vieille femme. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Un gros sac. Elle porte un gros sac. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Qui est-ce qu'il rencontre? Une vieille femme. Qu'est-ce que la vieille femme porte? Un gros sac. Attendez, madame, je vais vous aider. Attendez, madame, je vais vous aider. Attendez, madame, je vais vous aider. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Vous accompagner. Je vais vous accompagner. Qu'est-ce que Robert propose? Il propose de l'aider, de l'accompagner. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable.